L'ennui ronge celui qui l'aime par pure mélancolie, engrais de contemplation. Et la solitude, son soldat qui sème ses graines au-delà du lit, partage avec ses victimes sa lamentation. La menthe peu religieuse entoure de mille précautions son cocon de seconde. Et sa bouche scrupuleuse réchauffe ses avortons pour qu'il puisse envahir le monde. Sur des fleurs séchées, l'ennui n'aime pas les cadeaux que peuvent lui faire ses amants. Loin des foules anonymes, son royaume est sans sonorité, pas une ombre qui s'anime, pas un geste. L'ennui n'existe plus. Lorsqu'on parle de lui, il n'est qu'anéantissement. Une voix, son tourment, une parole et il fuit. Et pour le tuer, je t'ai parlé. Si tu pars, il renaîtra dans quelques instants.